C'était paumé. 3, 4. coupe la fin. D'accord. paroles. Les hommes crient de toi. L'amour, c'est l'homme de Christ. Ici, la terre. Frenchman, yes, I like wine. Wine, wine. J'aime le vin. Le vin français. Thank you.